Vous souvenez-vous, chers auditeurs, du rêve du roi Nebuchadnezzar interprété par le prophète Daniel ? Bien sûr, vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes dans un tout autre cadre que celui de la cour de Babylone où le jeune hébreu interprétait le songe de la statue. Je vous rappelle donc brièvement que le roi avait vu dans son rêve une statue colossale, tête d'or, poitrine d'argent, cuisse d'airain, jambes de fer et d'argile. Ces matériaux préfiguraient les quatre grands empires de l'Antiquité. L'or, celui des Chaldéens, l'argent, celui des Mèdes et des Perses, l'airain, celui des Grecs, et enfin le fer et l'argile, celui des Romains. Aujourd'hui, nous vous invitons à lire avec nous, dans le livre de Daniel chapitre 2, les versets 34 et 35, pour connaître la suite des événements, donc Daniel 2, 34 et 35. Le prophète Daniel s'adresse au roi Nebuchadnezzar et lui dit « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. » Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le songe de Nebuchadnezzar aboutissait donc à la destruction de ses empires, je dirais même à l'écrasement définitif du pouvoir politique. Ce pouvoir politique des hommes qui doit être remplacé un jour par un royaume indestructible et universel, le royaume du Fils de Dieu sur la terre. C'est là ce que Daniel lui-même explique à Nebuchadnezzar, chapitre 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Pour mieux comprendre les faits dans leur enchaînement, je vous invite à relire cette dernière phrase du verset 45. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Ce mot « après » de Daniel 2,45 met en relief un secret de l'herméneutique biblique, cette science de l'interprétation des Saintes Écritures. Daniel, prophète juif, a reçu révélation d'événements politiques mondiaux ayant tous rapport avec l'histoire nationale de son peuple. Effectivement, Babyloniens, Perses, Grecs et Romains ont occupé tour à tour la Palestine. Puis, Israël a connu 19 siècles de dispersion, 19 siècles qui ont en quelque sorte coupé le fil de son histoire nationale. Or Dieu n'a pas voulu révéler à Daniel ses plans pour cette période de l'histoire, mais il a voulu lui réserver la primeur d'une information qui concerne le 20e siècle, c'est-à-dire le moment où, après sa dispersion, le peuple juif commence à retrouver sa patrie et sa place au sein des nations. Toute une partie de l'histoire universelle a donc été cachée, tant à Nebuchadnezzar qu'à Daniel. Elle a également été cachée à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Cette phase cachée de l'histoire couvre les 20 siècles de l'ère chrétienne. Elle correspond donc au temps où Dieu a suscité l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Or, l'Église de Jésus-Christ était un mystère caché aux prophètes de l'Ancien Testament, un mystère qui n'a été révélé qu'aux prophètes du Nouveau Testament. Et dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Épître aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 26. Et pour vous qui notez les références, une déclaration semblable apparaît dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 9. Éphésiens 3, 8 à 9. Revenons à Daniel. Dieu lui avait caché le mystère de l'Église. Donc, il lui a aussi caché le temps de l'Église, c'est-à-dire les 19 siècles qui se sont intercalés entre la période apostolique et la nôtre. Il lui a révélé l'histoire du monde ancien jusqu'à l'époque romaine, puis celle du monde futur depuis le XXe siècle. Au début de l'ère chrétienne, l'Empire romain, le quatrième empire du songe de Nebuchadnezzar, atteignait l'apogée de sa puissance. Or, dans ce songe, l'écroulement spectaculaire de la statue survient parce qu'une pierre mystérieusement détachée, sans le secours d'aucune main, frappe les 10 orteils de la statue. Ces 10 orteils en sont la partie la plus vulnérable, puisque les pieds de la statue sont constitués d'argile et de fer, des éléments qui ne peuvent s'allier. 10 orteils, c'est-à-dire 10 rois, avons-nous dit à la lumière de la révélation complémentaire donnée au chapitre 7 du livre de Daniel. 10 rois, ou probablement 10 nations. Mais ces 10 nations n'ont pas surgi du démembrement de l'Empire romain. Elles surgiront du territoire où s'étendait autrefois l'Empire romain, au moment où la prophétie retrouvera son application dans les événements politiques du bassin méditerranéen. 10 nations qui devront donc jouer un rôle prépondérant dans les événements mondiaux de demain. 10 nations qui seront placées sous l'autorité d'un super César, l'Antéchrist, le dictateur des temps apocalyptiques. C'est tentant, bien sûr, d'identifier les 10 rois de la prophétie de Daniel aux 10 nations du marché commun des années 80. Il me semble toutefois que la prophétie peut embrasser des événements plus importants encore que le proche avenir garde en réserve. Mais un fait essentiel ressort du texte biblique de Daniel 2. Au moment où l'édifice de la civilisation humaine aura poussé les hommes au paroxysme de l'orgueil, Dieu les frappera de manière soudaine, inattendue et souveraine. Notre génération s'apprête à acclamer un super dictateur qui soumettra l'ensemble des peuples à son autorité despote. La Bible nomme cet imposteur l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ, ou encore l'antichrist, celui qui est contre Christ. De son côté, l'apôtre Paul se réfère à cet homme comme à l'impie, l'homme de péché. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Puis il ajoute : le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et l'écrasera par l'éclat de son avènement. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4 et 8. L'éclat de son avènement. L'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus coïncidera donc avec la destruction de l'impie et avec l'effondrement de la construction politique édifiée par les hommes à travers les siècles. C'est là le point crucial de la révélation accordée à Nebuchadnezzar dans son rêve. Une pierre détachée sans le secours d'aucune main qui frappe la statue et devient ensuite une grande montagne qui remplit la terre. Quelle est-elle donc, cette pierre, qui prend la place de l'édifice branlant de la politique humaine et qui finit par remplir la terre? Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Et si nous avons besoin d'une preuve de cette interprétation, écoutons l'apôtre Pierre lorsqu'il cite le prophète Ésaïe dans sa première épître. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 6 à 7. Oui, Jésus-Christ est la pierre angulaire, sur fondement d'une paix juste et durable parmi les nations. Il est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, car les chefs d'État ont mené leur politique planétaire en excluant Jésus-Christ de leur délibération. Il est la pierre choisie par Dieu en dépit des hommes, parce qu'un jour... la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ésaïe 9, 5 à 6. Le jour viendra où la statue du pouvoir construite par les hommes depuis Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours s'écroulera, parce que Jésus-Christ se manifestera aux yeux de tous. Il reviendra sur la terre sans demander permission au gouvernement et aux organisations internationales. Et cette pierre deviendra une grande montagne, c'est-à-dire un puissant royaume. Car dans l'Écriture, la montagne symbolise presque toujours un royaume. Oui, le royaume de Christ remplira toute la terre, et le Fils de Dieu soumettra à son autorité les nations des cinq continents. Ensuite, il établira ici-bas une paix durable basée sur la justice. Lorsque Daniel annonçait, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il prophétisait donc le royaume de Christ, celui que nous attendons et qui viendra bientôt. Au moment où l'orgueil des grands de ce monde plonge l'humanité dans la perspective angoissante d'une troisième guerre mondiale et d'un conflit atomique universel, le chrétien relève le défi du désespoir. Par la foi, il regarde au royaume inébranlable de Christ. Oui, Jésus revient bientôt. D'abord pour chercher son Église, puis pour régner sur notre planète et y apporter sa paix. Aussi, nous joignons nos voix aux millions de chrétiens sur la terre entière qui fléchissent le genou devant le Seigneur et lui disent « Amen, viens Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, 20. Oui, Seigneur Jésus, reviens bientôt.